Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'Histoire, retour sur une notion, oh ben dis donc, oui c'est d'actualité ça, le couvre-feu. Après les nombreuses allusions à une ambiance de guerre pendant le confinement, difficile de ne pas verser à nouveau dans ce travers historique depuis que le mot couvre-feu a été lâché dans la sphère publique comme solution pour enrayer la flambée actuelle de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 dans les grandes villes. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. C'est très clair pour tout le monde. L'interdiction de circuler pendant la durée d'une plage horaire donnée, est-ce un merveilleux moyen de s'assurer que la vie sociale se résume à la vie au boulot ? Pas seulement. Au cours de l'histoire, les usages du couvre-feu en France ont surtout porté sur la répression de groupes d'opposants. Et c'est là que l'imaginaire soutient l'indignation, les protestations d'ores et déjà exprimées. Pourquoi cette idée nous est-elle si désagréable ? L'intention est ici tout à fait louable, permettre de freiner la propagation d'un virus qui tue. Mais notre imaginaire historique nous porte vers d'autres références, nettement moins altruistes, et la restriction de nos libertés en des temps plus menaçants. On songe d'abord à la Deuxième Guerre mondiale, avec ses blackouts pour rendre difficiles les bombardements en limitant les repères lumineux. Ensuite à l'occupation, bien sûr, et ses Ausweis nocturnes. Alia Aglan et Johan Chapoutot, dans l'ouvrage collectif La Guerre Monde, évoquent une nuit, par essence, élément protecteur dans lequel se meuvent les clandestins, saboteurs ou écrivains, en référence aux 26 titres des éditions de Minuit de Jean Brulaire et Pierre de Lescure, fondés en 1941. Le couvre-feu sert à séparer les populations, à supprimer un temps l'espace public en interdisant l'accès et la possibilité de s'y déplacer. C'est aussi une arme caractéristique des guerres non conventionnelles entre États et rébellions, entre armées constituées et dissidences politiques, avec l'objectif de compliquer les déplacements de la masse pour gêner les groupes armés qui s'y dissimuleraient. En 1958, pour décourager les attentats du FLM qui se déroulent désormais sur le sol métropolitain, une note de service de la préfecture conseille aux Français musulmans d'Algérie de ne pas circuler dans la ville, plus particulièrement entre 21h30 et 5h30 du matin. Mais un conseil légal n'est pas une loi. Ce conseil discriminatoire n'est pas vraiment appliqué jusqu'à sa réactivation progressive et s'accompagne de la fermeture des débits de boissons tenus et fréquentés, toujours par des Français musulmans d'Algérie, à 19h. C'est pour protester contre ce couvre-feu qui leur interdisait à la fois la convivialité ordinaire et l'exercice de leur métier pour certains qu'une manifestation pacifique, un boycott, est organisée le 17 octobre 1961. Une manifestation lourdement réprimée avec un bilan de 150 à 300 morts ce jour-là et les suivants et la décapitation du FLN sur le territoire métropolitain. Un des épisodes de la guerre d'Algérie les plus sanglants sur le sol français. De cette soirée ne reste que ces images d'hommes, mains sur la tête, la peur dans les yeux. À l'appel du FLN, ils étaient venus manifester à Paris pour dénoncer le couvre-feu. Un couvre-feu qui venait d'être imposé à la population algérienne. Si le couvre-feu est une arme d'intervention dans l'espace public, c'est aussi une atteinte directe à la vie privée qui rebat les cartes du temps public et intime, remodèle la journée et rend peut-être à la nuit ses mystères et ses passagers clandestins. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, le couvre-feu n'est pas discriminatoire, mais la fête est finie pour un bon moment et pour environ 30% des habitants de notre territoire. Merci Anaïs, il est bientôt 10h, il vous reste donc 11h pour aller gambader dans les ruelles des grandes métropoles. Et puis après, on rentre à la maison et on peut consulter le journal de l'Histoire et tous les précédents sur le site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France.